Chapitre 153. L'autorisation de pleurer un mort mais sans lui consacrer ni éloge funèbre, ni lamentation. Les lamentations sont interdites. Nous y consacrerons un chapitre dans le livre des interdits si Allah Ta'ala le veut. Quant aux pleurs, les nombreuses traditions qui les interdisent et selon lesquelles le mort est tourmenté à cause des pleurs de ses proches ont été mal interprétées. L'interdiction s'applique en effet seulement aux pleurs qui ont été recommandés par le défunt lui-même avant sa mort et à ceux accompagnés d'éloges funèbres ou de lamentations, comme le prouvent de nombreuses traditions prophétiques, à l'image de celles qui vont suivre. 925. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, accompagné de Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas et Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhum, se rendit au chevet de Sa'd ibn Ubadah alors que ce dernier était malade. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se mit à pleurer. En le voyant, les gens présents pleurèrent à leur tour. Il leur dit alors, « Écoutez attentivement. Allah ne punit pas pour les larmes des yeux ou le chagrin du cœur. Mais soit il punit, soit il fait miséricorde à cause de cela, indiquant du doigt sa langue. » Al-Bukhari et Muslim. 926. Selon Usama ibn Zayd, radiyallahu anhuma, on présenta au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, son petit-fils alors que l'enfant agonisait. Ses yeux débordèrent alors de larmes. Sa'd lui dit, « Qu'est-ce que cela, ô messager d'Allah ?» Il répondit, alayhi salatu wassalam, « Elles proviennent de la miséricorde qu'Allah Ta'ala a placée dans le cœur de ses créatures. Et Allah n'est miséricordieux qu'avec ses créatures qui le sont elles-mêmes. » Al-Bukhari et Muslim. 927. Anas radiallahu anhu rapporte ceci. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, se rendit auprès de son fils, Ibrahim, qui était en train de rendre l'âme. Remarquant que les yeux du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, débordaient de larmes, Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, lui dit, « Même toi, ô messager d'Allah ?» Il répondit, alayhi salatu wassalam, « Ô ibn Auf, ce n'est rien d'autre que de la compassion. » Avant d'ajouter, « L'œil déborde de larmes et le cœur est empli de tristesse. » Mais nous ne disons que ce que notre Seigneur agrée. Nous sommes profondément affligés par ta perte, ô Ibrahim. » Al-Bukhari et Muslim en partie.